Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast quasi mensuel de La Cellule. Et aujourd'hui, comme c'est là le premier jour de ce janvier 2010, on va d'abord vous souhaiter à tous une bonne année. Bonne année. Et pour fêter bonne avec année. Vous cette bonne année, on va traiter du thème suivant, les inspirations, les sources d'inspiration de Sens Renaissance. Avec moi aujourd'hui pour ce podcast exceptionnel, ce podcast premier de l'an, on va dire, j'ai réuni les créateurs de Sens Hexalogie, comme d'habitude, mais aujourd'hui, vous verrez, il y a de nouvelles voix. On n'est déjà plus seul avec Thomas Poussou, Benjamin et Flavie à présenter ce podcast. D'autres se sont joints à nous, mais en premier lieu, je commence par les filles, la galanterie, pour une fois que je la respecte. C'est fou. Flavie Garnier est avec nous. Bonjour. Flavie Garnier et un nouveau, Pierre Fournier. Bonjour à tous. Pierre, alors, premier podcast, pas trop le stress quand même? Un petit peu impressionnant quand même. Oui, c'est bizarre, hein, on te l'avait dit, on t'avait prévenu. Avec nous aujourd'hui pour ce podcast, Aurélien Guy. Bonjour à tous. Et bon, le pilier de comptoir qui Benjamin Béliez. Bonjour. Qui aujourd'hui est dans un état, enfin disons qu'il est tard. Il c'est est nouvel tard. An. Il y a des restes du nouvel an, voilà. Et donc, je ne sais pas si on t'a très bien entendu, mais voilà. Et donc aujourd'hui, le thème... ce sont les sources d'inspiration de Sens. Et j'ai envie de commencer par écouter une nouvelle voix, j'ai envie de dire. Pour ce podcast, on va suivre le plan suivant. On commencera par voir les sources d'inspiration des décors, des personnages, des technologies, de l'histoire, et puis les différents JDR qui ont inspiré le jeu. Et j'ai envie de te poser la question, Pierre, pour les décors de Sens, quelles sont tes principales sources d'inspiration? Parce que toi, tu es maître de jeu, tu maîtrises Arène, il me semble. Oui, on oui, peut oui, saluer tes joueurs au passage, qui n'écouteront peut-être pas ce podcast à cause des spoilers nombreux. Qui... Je crains aussi. Oui. Bon, ils écouteront plus tard. Ils écouteront. J'espère. Bon, tout alors. Ce qui est décor. De quoi bon, tu t'inspires? Généralement, Star Wars, tout ce qui est décor futuriste. Des décors futuristes Star Wars. Rétro un peu. C'est-à-dire? C'est-à-dire tout ce qui est Star Wars, l'épisode 4, 5 et 6. Où on voit des tout ce qui est vaisseaux ou même autres technologies un peu rétro. C'est bon, gros boutons, grosse lumière, moins de tactile ou Star Wars visuel. ça me semble un peu moderne quand même pour du décor de Sens. Les premiers qui ont été faits, je parle. Ouais, d'accord, ok. Tu parles de la première trilogie. Voilà. Ok. Ouais, exactement. Ok. Aurélien? Oui, alors concernant les décors, pour moi je les imaginais plus donc en fait la résistance des décors plus ou moins ronds, c'est-à-dire des architectures rondes qui soient un petit peu douces, du genre qui me font penser un petit peu comme dans Watchmen. Oui. Tu veux dire plus proche le micro. Plus proche le micro. Ouais. Ah oui, en effet. Ouais. D'accord. Donc t'endors pas, Aurélien. Je sais qu'il est tard. Non, je ne m'endormirai pas. Non, donc Watchmen, où par exemple quand le docteur Manhattan crée sur Mars une espèce de pendule géante. Ouais. Et puis sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ça, oui. C'est assez curieux parce que tu cites un film qui est très récent au final. Oui. Et le truc, c'est quand même, toi, quand tu jouais à Sens, toutes ces choses n'étaient pas apparues. Moi, avant ce que je veux savoir, c'est déjà en tant que joueur, parce qu'en l'occurrence, c'était moi ton maître de jeu, quand je te décrivais les décors, enfin, on remarque que tu as joué avec Tom aussi. Oui. Quand on décrit les décors de Sens, à quoi est-ce que tu penses? Quelle est la source En premier lieu, quand j'ai joué à Sens, les premières architectures qui me venaient à l'esprit, ça pouvait être Midgard en Final Fantasy VII. Ouais, Final Fantasy VII. Qui sont, entre le futur un peu crassou ouais. Et quelque chose de proche de nous, en fait. C'est... Un univers un peu en quête sur la Terre, on est d'accord. Ouais. Ensuite, des structures sales, des algues un peu vertes. Voilà, ce genre exactement. De choses. Après, vu que les structures se marchent par dôme, on peut vite s'imaginer d'autres choses. Donc on peut partir sur Abyss par exemple, Abyss de James Cameron, où il y a le sous-marin ou la base. Nautique dans lequel ils vont découvrir des petites choses, ça peut faire penser à un petit peu à des décors de Sens, en l'occurrence En Australie, c'est Sydney, je crois. Sydney, ouais. Voilà. Ouais, d'accord. Et Blue Sky aussi, mais bon, je ne sais pas si j'ai le droit de parler de Blue si, Sky. Si, absolument. Bah, les gens qui ont découvert Sens en convention ont commencé par le scénario de Blue Sky. D'accord. C'est vrai qu'au niveau des structures dans Blue Sky, on a aussi une énorme influence d'un autre jeu vidéo qui est Silent Hill, qui est une source d'inspiration qu'on retrouve dans énormément de jeux de rôle à l'heure actuelle. On peut citer les jeux de Grumph, notamment comme Patient 13, qui citent explicitement Silent Hill dans leur source d'inspiration. Effectivement. Mais je ne sais pas si ça se prêterait le mieux à Sens, vu la teneur fictive et futuriste de Sens, en fait. Ouais. Silent Hill est très contemporain. Ouais, c'est vrai. Non. À part dans les décors, effectivement, de... Flavie, tu veux dire quelque chose ? Ben moi, c'était surtout quand j'y jouais du Alien. Ouais, d'Alien, ouais, carrément. Alien à bloc pour le côté un peu rouillé, sale, etc. Et il y avait aussi tout le côté Matrix. Pas quand ils sont dans la matrice, mais quand ils sont oui bon tant pis quand tu disais il est tard, pas quand ils sont dans la matrice, mais plus quand ils sont à l'extérieur dans les égouts un peu sales, etc. Et sinon, bah je sais pas si t'avais vu ce film, mais Métal Hurlant, pour tout ce qui était en scène d'extérieur. Absolument pas, non. Ben c'est moi, ça me faisait penser à du Métal Hurlant. C'est sur une planète ouais, non, Métal Hurlant, je crois. Métal Hurlant, c'est, je crois, c'est un dessin animé. Ah bah peut-être Planète Hurlante, c'est quand ils sont sur une planète froide avec des crieurs. Ouais, voilà, bah c'était ça, Planète Hurlante. Ouais, bah ça me faisait très penser à ça, moi. D'accord, ok, exact. D'accord. Benjamin, alors pour ta part. Tu me parles ma vision en tant que joueur ou en vision Eh ben justement, c'est intéressant d'avoir justement les deux, en tant que joueur d'abord et puis en tant que MJ ensuite. En tant que joueur, la vision elle rejoint un petit peu Tom dans le côté tu vois, science-fiction années 80-90. Tu veux dire Pierre? Ouais. Oui. Alors moi, il faut que Pierre, que formalisera pas, excuse-moi. Faut savoir que Pierre a un frère qui s'appelle Tom, donc voilà, une petite confusion de fin de soirée. Donc j'ai par exemple, bon, j'avance un petit peu, mais sur tout l'aspect lune, la cité sélénite, les différents bâtiments, j'avais une vision du futur version 90, tu vois, comme on aurait pu le voir dans des films comme Demolition Man, choses comme ça. D'accord. Après, sur la Terre, j'ai il y a une vision plus futuriste crassou, parce que c'est un petit côté post-apo, la Terre elle est ravagée, choses comme ça. Ouais. Après, pour ma vision MJ, je voyais plus des choses récentes entre guillemets auxquelles je me suis attaché, du genre Battlestar Galactica. Battlestar Galactica. Pour l'aspect en fait où l'esthétique rejoint le fonctionnel, dans le sens où tu vas avoir un vaisseau spatial qui est pas trop futuriste parce qu'il il répond à des exigences scientifiques, en fait. Ouais, voilà, c'est-à-dire le vaisseau il est conçu comme ça parce que il faut qu'il ait une armature. Enfin, ouais. Je m'avance pas trop, mais tu vois ce courant où on va avoir quelque chose où on va pas partir dans un délire esthétique pour faire un vaisseau ou quoi que ce soit. On va se dire c'est un vaisseau fait pour des militaires, par des militaires. Il faut qu'il soit avant tout fonctionnel. Tu vois, d'accord, un petit peu comme un sous-marin, qu'on va pas se faire des places super grandes à l'intérieur. On va conserver le strict nécessaire. Et après, en termes d'histoire, et ça dans Battlestar on le ressent bien, c'est le côté, voilà, y a une grande histoire, il y a des grosses actions à mener, mais en même temps t'as un quotidien. Déjà, comment on fait pour survivre au quotidien? Et ça c'est une partie décor et ambiance qui m'a vachement plu et que je voudrais bien recaler un petit peu dans un univers tel que Sens, parce que je pense que ça s'y prête bien. D'accord, ouais. Ok. Donc toi, il y a une part, je vais pas dire réalisme, mais de pragmatisme en fait dans le choix du décor, quoi. Ouais, bah Cosmo, quoi. Ouais, Cosmo, quoi. Ouais. On le sent. Mais d'ailleurs, enfin à ce niveau-là, je voudrais juste préciser quelque chose. C'est que justement, beaucoup de personnes posaient des questions sur le réalisme finalement dans ce sens et comment c'était traité sur les forums, et à cela je répondais souvent que c'était un jeu avant tout onirique. Et moi, dans la base de mort, il sera bien précisé que tous les décors, il ne faut pas chercher de réalisme scientifique là-dedans, ce sont des symboles. Mais ça colle plus à mort que Sens Renaissance. Je comprends tout à fait que dans un Sens Cosmo ou un Sens Renaissance, on a envie de faire du pragmatique, et je ne suis pas en train de contrecarrer ta vision, loin de là. Mais je voulais quand même préciser ça, c'est que les décors sont avant tout oniriques. C'est une base de rêve. Et c'est pour ça que j'aime bien les illustrations de Valérie Notavong, donc Initz, sur les forums, parce qu'elles apportent en fait cette espèce d'aspect brumeux et onirique que je recherchais pour cet univers. Alors, d'où Silent Hill ? Bah, Silent Hill, c'est vis-à-vis de la brume. Vis-à-vis de la brume, oui, mais c'est pas la même brume, c'est pas la même enveloppe de bien brume sûr, dans les dessins de Valérie et dans Silent Hill. La brume dans les dessins de Valérie est beaucoup plus, on est beaucoup plus dans un axe de rêve en fait, de réalité, de réalité qui fuyante, alors que dans Silent Hill, la brume est vraiment menaçante. Et ça, il faut bien que les joueurs s'aperçoivent que c'est pas une menace cette brume. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous sont revenues pendant ce tour de table, d'autres choses qui vous ont inspiré en tant que MJ ou en tant que joueur sur les décors, Aurélien? En tant que joueur, le décor du monde de l'ombre-monde. L'ombre-monde. Pour moi, au début, ça me faisait penser à Tron, donc très vieux film de Disney. Ah, cette description que j'en donnais au tout début de sens. Hein. Voilà, exactement, où c'est tout se passe dans un vieil Amstrad CPC 6428 où les gens font la moto sur des circuits imprimés façon old school, on va dire ça comme ça. Ouais, c'est plus qu'old school. Et après, dans l'ombre monde, évidemment, il y a un peu de 0101 binaire façon Matrix, comme disait Flavie tout à l'heure. Ouais. Mais sinon, l'ombre monde, on l'apprendra plus tard, il n'est pas aussi simple et aussi. Oui, il va se limiter que celui que nous propose Tron en fait. Effectivement, dans la base de Sens Renaissance, on peut le voir de cette manière-là. Sauf que les carrés de Tron seraient remplacés par ce qu'on appelle des croix de sens, des cadrans, des carrés munis de leur diagonale. Pierre, tu voulais dire quelque chose, Flavie ? En tant que joueur et même être maître de jeu, j'ai toujours eu du mal à voir le monde, l'ombre monde, d'une façon différente de la réalité. Ouais, pour moi, c'était la même chose, un monde parallèle. Et par exemple, tout ce qui est Tron. Je suis peut-être un peu jeune pour connaître exactement le film, mais moi, je voyais plutôt ça comme un monde parallèle, comme comme série Sliders, le monde parallèle ou autre. Ouais, c'est intéressant aussi comme vision. Il y a juste en fait quelques détails qui changent, mais a priori, ça reste pareil. D'accord, Benjamin, tu veux prendre la parole? Ouais, je t'inviterai à regarder un film qui est assez sympa sur ce point de vue, entre réalité, monde parallèle et puis tout ce qui est vecteur de volonté. Moi, j'ai retrouvé beaucoup de sens dans le film Passé Virtuel. Je sais pas si. Passé Virtuel. J'ai vu, mais je me souviens plus. Ouais, mais donc il y a ce côté, t'as un monde réel, t'as un monde informatique, des gens, des consciences passent de l'un à l'autre. Et donc si tu veux, Pierre, je t'inviterai à regarder ce film-là. D'accord. Même pour 2-3 petites idées, 2-3 petits pensées pour des scénarios, Passé Virtuel, ça peut être une autre façon de concevoir l'ombre monde. Ouais. Flavie, tu voulais dire quelque chose avant que Pierre ne prenne la parole? En fait, c'est peut-être parce que j'ai lu pas mal de steampunk ces derniers temps, mais les dernières fois que j'ai masterisé Sens, pour moi, l'ombre monde, je l'ai plus vu comme une sorte de réalité un peu désintégrée. Je sais pas si vous avez vu un peu ce qui a été fait dans le steampunk, genre la création des ordinateurs avec de la vapeur, etc., ce que ça pouvait donner. Tu parles par exemple dans un manga comme Steamboy, par exemple. Ouais, et cherche à créer cette espèce de c'est ça. Et du coup, pour moi, l'ombre monde, ça devenait un peu le même monde, mais avec des couleurs très passées et avec des sur les armatures en fait des objets sur ces couleurs très passées, des sortes d'électrons qui passaient régulièrement, comme pour garder avec. Un aspect très métallique. Oui, avec un aspect très brillant et très cuivre en fait. Pour moi, c'était un peu ça, avec des couleurs vraiment passées. D'accord, ok. Ouais, donc ça peut être aussi une bonne vision, je pense, pour l'ombre monde. Ok, bon, alors on va passer à notre deuxième registre, si personne n'a rien d'autre à ajouter. Non, personne. Bon, très bien. Alors maintenant, les sources d'inspiration pour les différents personnages de Sens. Pierre, je commence encore par toi. Qu'est-ce que tu vois comme source d'inspiration pour les personnages de Sens ? Quand on pense à des gens comme Finonfinger, Solipsis. Déjà, moi je les représente plutôt comme des personnages de manga. Hein. Ouais. Ça reste assez sobre. T'as du mal à te les imaginer en personnages réels, quoi. Ouais, tout à fait. Pour toi, Sens, c'est un manga. Je suis incapable de remettre les principaux personnages de Sens en rapport avec un acteur ou même un personnage de film. Pour moi, ça reste plutôt imaginaire comme un animé ou un manga. Ok, d'accord. Aurélien ? Moi, les personnages de Sens, bah, par exemple, tu nous l'avais présenté comme ça, Finongfinger, au début de la création de Sens, c'était un peu un personnage dans Lodos. Oui, lequel ? Comment s'appelle-t-il déjà ? C'était l'elfe noir. Oui, le guerrier du chaos, là. Ashram. Ashram, voilà. Ouais, carrément. Bah, ouais, oui, bah oui. Et ensuite, ouais. Pour moi, pourquoi tu te dis ça ? Bon, les personnages, les personnages ouais. de Sens seraient plutôt. C'est vrai que Ashram dans Lodos est vraiment la source d'inspiration de Finongfinger. Maintenant que tu me le dis, c'est clair que c'est exactement c'est ça. Quoi. Mais après moi, cette série surpourrie, c'était le seul manga qu'on avait à consommer à l'époque. Oui. Et voilà quoi. Et moi, quand j'étais gosse, j'arrivais à regarder ça et j'étais trop fou. Et c'est clairement, t'as totalement raison. Ultra classique. Hein, totalement raison. Ultra classique. J'avais complètement oublié cette. C'est toi qui. Sans saveur. C'est vrai, ouais, clairement. Et sinon, non. Après, évidemment, c'est plutôt vis-à-vis de la mythologie grecque, les dieux, les dieux de l'Olympe. Ah ouais. Oui. Ah, tu penses aux dieux de l'Olympe, toi. Alors, les dieux de l'Olympe. On y reviendra tout à l'heure, mais vis-à-vis de Nobilis aussi, un autre jeu de rôle et tout. Mais les dieux de l'Olympe, certains de ces personnages principaux, on parle des PNJ du coup, sont des. Moi je pourrais les évoquer comme si c'était par exemple Finongfinger, le dieu de la guerre, par exemple. Solipsis serait plutôt Athéna. D'accord, on va rejoindre s'inseiller un peu dans cette idée-là. Mais on peut ne pas s'en cacher et dire que clairement, moi, mais on peut. Il y a eu des fans de Saint-Seiya à jouer à ce jeu à sa création. Bien sûr, on va pas se cacher. Et puis le créateur était non seulement un gros fan de Saint-Seiya, mais aussi le créateur d'un jeu de rôle de Saint-Seiya, si mes souvenirs sont bons. Ouais, carrément. Elle sort du vieux dossier. Là. On ne peut pas renier. On ne peut pas renier son passé. On peut ne pas s'arrêter à la mythologie grecque et puis aller aussi à la mythologie chrétienne, enfin le christianisme, où il y a des différentes influences aussi. Dans Sens, tu trouves ? Dans Sens aussi, Dieu. D'accord. On fait le va-et-vient assez facilement, on va dire. Un dieu unique, fini les dieux multiples. Ouais. Monothéisme, quoi. On verra. Benjamin ? Pour les personnages ? Bah écoute, pour les personnages, je me suis jamais amusé à essayer de les retrouver dans autre chose. Bizarrement ou pas. Pour moi, leur but, leur motivation, leur historique, leur façon d'être sont entièrement rattachés à l'univers de sang. J'ai jamais cherché à me dire, tiens, ça me fait penser à tel truc. Même si, tu vois Aurélien, quelque part je suis d'accord avec ce que tu viens de dire, mais je me suis jamais amusé à me dire Solipsis c'est Athéna ou mais moi, quelque part pour moi, c'est pas faux mais... pour moi Solipsis juste à un moment j'imaginais comme étant Sigourney Weaver. Je sais pas pourquoi mais tu vois, si je me l'étais imaginé comme ça je l'aurais peut-être un peu plus apprécié mais, Moi Sigourney Weaver non, mais je l'imaginais comme Julianne Moore à bloc, hyper froide, bon avec moins de sang mais très froide. Ouais, c'est la rousse qui est Donc ouais, non, mise up, et éventuellement de la façon dont des fois tu nous jouais Finongfinger, une espèce de Solid Snake qui vient pour taper. Ouais, c'est vrai qu'il y a... Moi j'imaginais Cédric, un de nos potes. Hein. J'ai jamais été chercher... Pour moi, ils sont entièrement rattachés à l'univers de sang, j'ai pas eu... ce besoin ou cette envie d'aller chercher ailleurs d'où ils venaient. D'accord, ok. Bon bah moi j'ai fait une énorme connerie quand j'étais un jeune créateur de jeux de rôle. J'ai fait un personnage qui était androgyne, qui s'appelle Solipsis. Et ça c'est une énorme erreur, je pense. Pourquoi ? Maintenant avec le recul, écoute, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que je pense que justement, comme l'a dit Pierre précédemment, ça oblige les gens à s'imaginer ce jeu de rôle comme un manga. Et moi je sais pas, mais c'est pour moi c'est clair. Le personnage androgyne, tu demanderas, je pense, à quelqu'un comme Christophe, qui a fait sa première partie, quand il a entendu parler de personnages androgynes et même de la grandiloquence en fait des personnages au tout début du jeu, il s'est dit ça peut être que du manga quoi. On est dans un shonen, ça part en shonen, etc. Et donc maintenant je le regrette parce que finalement ça ferme un certain angle d'attaque sur le jeu au départ. Et puis bon, on verra au fur et à mesure que la fiction va se développer, qu'on s'en détachera, mais quand même, ça bornait le truc, quoi. L'influence Lady Oscar, là. Ouais, puis ouais. En plus, quelque part, ça présuppose des ressorts scénaristiques qui vont pas être forcément fins ou. Ouais, exactement, ouais. Bon, après, là, j'ai envie de rassurer nos auditeurs en disant que j'ai un peu épuré entre la première version que je vous ai fait jouer et puis celle qui sort en ce moment dans le commerce, enfin, pas dans le commerce, mais en jeu indépendant. On a vraiment une différence à ce niveau-là, quoi. Il y a plus de ressorts scénaristiques à bracamant. Et puis nous, on a aussi l'impression manga parce qu'à l'époque, t'avais une sorte d'écran sur lequel il y avait des dessins de tes amis qui étaient vraiment des dessins à tendance manga. Oui, tout à fait. Et quand on lit maintenant la première version et surtout la version que t'as fait avec les dessins de Valérie, c'est complètement différent. Moi, j'imagine plus du Gary Oldman en classique, ce genre de choses. C'est beaucoup plus. C'est beaucoup plus différent maintenant, quand même. Je pense que maintenant, les gens qui arrivent avec ce jeu en main n'imaginent plus trop du manga, je pense pas. Oui, je pense. Ouais. Ouais. C'est vraiment les anciens joueurs. Moi, quand je faisais mes scénars, j'avais un poster que tu m'avais donné avec les personnages principaux de Sens, et c'était tous des persos de manga. Donc, c'est pour ça que j'avais en tête toujours l'idée de manga et d'anime. Clairement. Et bah justement, pour parler manga et animé, Aurélien, tu voulais ajouter quelque chose ? Heureusement, on n'a jamais appelé Finlongfinger-san ou Finlongfinger-kun. On a échappé à ça. Quoique, on avait quand même un personnage. Senpai et tout. On avait quand même un joueur dans le sens qui nous avait fait un. Bon, on a eu plein de joueurs dans le sens qui nous ont fait des trucs à la Saint Seiya, enfin bref. Bien sûr. Hein, ça pourrait être. Oui, bon, bref. Donc quoi qu'il en soit, on va passer à notre autre rubrique. Et là, on va peut-être retomber sur un peu de manga, en tout cas un peu de jeux vidéo, parce que quand même notre génération est très influencée à la fois par les mangas et par les jeux vidéo. Et c'est au sujet des technologies, des équipements et des véhicules. Qui veut prendre la parole sur ce sujet ? La Réplioïde notamment, quand même, qui est nettement inspiré de Metroid. Ouais, pour une moitié Metroid, pour une autre moitié pour la façon dont ça apparaît, ça disparaît. Stargate, je pense. Tu t'engageras pas. Oh, bien vu. Je pense qu'à une époque, c'est exactement. Tout à fait. Esthétiquement, c'est quelque chose qui claquait. Et on s'est dit ouais, on va prendre ça, c'est beau. Clairement, je sais pas si vous vous souvenez vous de la première fois où vous avez vu une armure, enfin dans le film de comment il s'appelle déjà, il est Emmerich, c'est Emmerich, ça. Ouais, c'est ça. Non, c'était Emmerich. C'est vrai, c'est pas Ridley Scott. Hein. Et donc la première fois qu'il y a cette espèce de dieu là qui apparaît et qui met son masque de dieu, moi ça m'avait fait halluciner, et c'est clair et net que la Réplioïde est totalement inspirée de cette scène de Stargate où on voit cette machine qui se met en branle et qui se forme comme ça au-dessus du personnage. J'avais trouvé ça waouh. Et donc je me suis dit oui, tout à fait. Mais Metroid après a été vraiment, là c'est la source d'inspiration ensuite majeure. Ouais, parce que du coup, je sais pas, pour les auditeurs, si on retrouve ce schéma dans les bouquins, de tête, je me souviens plus, mais c'est vrai que au départ, l'espèce de dessin de Réplioïde qu'on avait, dans lequel on me disait on a ça comme équipement, ça comme équipement, c'était clairement l'armure de Samus Aran dans Metroid. D'ailleurs, t'as une petite anecdote à raconter à ce sujet, non ? Ah bon ? Oui, souviens-toi. Écoute, rafraîchis un peu plus les photographies que vous vouliez faire avec Thomas. Ouais, non, alors ça c'était super ridicule pour personnaliser les fiches de perso. Ce qu'on voulait faire, c'était prendre une photo de nous et de l'imprimer sur les fiches de perso en filigrane avec le dessin que t'avais fait, parce que c'était même pas une vraie photo du truc, c'était un pauvre dessin à deux balles, quoi. Du coup, on avait pris des photos de nous en position complètement improbable pour essayer de se coller. Parce qu'en fait, il faut savoir que Samus, en fait, dans Metroid, a des épaulettes qui sont mais super larges. Énorme, quoi. Je sais pas combien de. Elles font un mètre de large, quoi, ces épaulettes, c'est impressionnant. Ouais, du coup, quand t'essayes de prendre une photo, t'as la même pose qu'elle, et t'as une pose de gros con, quoi. Ça colle pas, c'est pas bon, c'est moche. C'est ça. Tu passes pas les portes. Hein, attends, et Aurélien, on n'entend pas tes blagues, t'es en off, mon pote. T'as pas de micro, faut demander les micros, Aurélien. Non, mais Aurélien comparait Samus à Lord Manodou. Bon, c'est. Voilà. La largeur de l'épaule. Hein. Sauf que Samus n'est pas encore à la retraite, elle. Contrairement à Lord Manodou. Exactement. Elle n'a pas fini de combattre des Space Pirates. Alors, au niveau de l'armure, on trouve également de l'inspiration en termes d'équipement. C'est clair. Les équipements qu'on avait au début dans le sens par rapport à Metroid. Qu'est-ce qu'on avait ? Pegasus Boots. Les Pegasus Boots, les bottes de Pégase, quoi. Le premier équipement qu'on trouve sur NES. Ah oui, les bottes de Pégase qui permettent de sauter trop bien. Oui, on avait... Le bouclier Trémillion, très très utile, c'est le premier truc que je voulais avoir quand j'ai joué à Sens. Voilà, le bouclier. Bon, on n'a jamais poussé le vice jusqu'à la boule morphine quand même. On l'a jamais fait celle-là. Ah non, mais on a poussé au moins jusqu'au plasma beam. Ouais, voilà, le plasma beam, ça c'est clair. Ce qui donnait de très bons moments avec Lance Plasma. Voilà, les scènes avec Cédric dont on se souviendra. En tout cas pour nous. Bon, là, on est en train de perdre nos auditeurs. Là, on parle comme des vieux cons, là. Alors que moi, pour revenir sur les Reaploids, moi, je les imaginais plus sur la continuité du jeu. Il y a quelque chose avec un design beaucoup plus épuré, en fait. Des lignes beaucoup plus simples. Comme si c'était une deuxième peau, en fait. Et non plus une armure. D'accord. Et donc, du métal dont sont forgées ces armures, qui est la phylonite, et qui, vous l'apprendrez plus tard. Chers auditeurs, attention, chers spoiler, auditeurs. Bouchez les oreilles de vos, non, comme de quoi, vos jeunes joueurs, parce que si vous les coupez, ça... Ce métal est un vecteur de volonté. Tu vas la finir, ta phrase. Non, tu vas la finir, ta putain de phrase. Mais je l'ai fini, mes phrases, il n'y a pas de souci. Mais quoi qu'il en soit, non, au début, on voit ça comme une armure métallique basique, mais moi, je vois vraiment ça comme une seconde peau ensuite, quoi. On pourrait plus faire sa référence à quelque chose de vraiment plus de plus fin, en fait. C'est génial parce que moi j'avais pas joué à Metroid et je l'imaginais comme ça à l'armure quand j'ai démarré aussi. Pas du tout avec des grosses épaulettes et tout, mais un truc beaucoup plus simple et beaucoup plus épuré. Donc peut-être pas une seconde peau, mais vraiment un truc plus simple. Ouais. J'avais jamais joué à Metroid ni rien, et donc à part ton pauvre dessin à 10 balles que je trouvais trop moche, et donc j'imaginais pas du tout ça comme ça. Ouais, c'est mon quart d'heure. C'est marrant parce que tu vois, même maintenant j'aurais la même réflexion de vous d'imaginer quelque chose de plus simple, plus épuré, parce que c'est une armure et avec une technologie qui permet de s'affranchir des contraintes physiques du monde dans lequel le joueur évolue. Mais au départ, moi, je voyais un gros truc avec des plaques d'armure dans tous les sens, parce que ça claque, quoi. C'était gros bilesque. Voilà, en gros, ça pourrait être pour ceux qui ont joué à Zone of the Enders sur PS2, qui a été un jeu. Ah, mais là, c'est vraiment monstrueux. C'est des mécas. Ah oui, c'est monstrueux. Ouais, c'est des mécas. Mais je trouvais que c'était des mécas qui étaient assez épurés dans leur ligne, en fait. Ou un truc à la Iron Man, quoi. Ah, Iron Man, c'est beau, hein. Très métallique encore, je trouve. Mais c'est rouge et voilà. Rouge et jaune, quoi. Mais pour ou serait plus bon, non, on va pas citer Evangelion quand même. Evangelion. Non, là c'est on s'éloigne vraiment de la manière dont je le décrivais dans mes scènes. Après, bon, vous imaginez ça comme vous voulez. Pierre, est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur les Reploïdes? Les Reploïdes, moi j'avais deux visions. D'abord celle qui était de vue d'extérieur du personnage. Ouais. Donc hein, c'était assez simple, un peu comme toi, Guy, c'était une seconde peau à moitié, et de la vue de mon personnage à l'intérieur, c'était comme un scaphandre, avec carrément un écran d'ordinateur devant les yeux. Ouais, carrément. Ouais. Et, on peut retrouver aussi une source d'inspiration au niveau de Alien 1, si tu l'entends comme ça. Oui. Donc, quand ils sortent la première fois dans le vaisseau... ils ont des espèces de scaphandres en fait sur eux, et ça pourrait très bien ressembler à ça. Mais là, on se retrouve avec quelque chose de plus pâteau, plus grossier quand même. Il y a un décalage alors. Il y a un décalage entre les actions qu'on fait le personnage, les actions que fait le personnage, et l'imagination qu'on peut avoir. Mais comme tu disais, c'est onirique, quoi. Il y a vraiment pas besoin cohérence. Vu que c'est onirique, toutes les libertés sont permises une fois que t'as enfilé ta Reploïde. Tout à fait. On fait ce qu'on veut. Alors au niveau des véhicules maintenant. Alors donc, Benjamin nous a un petit peu parlé tout à l'heure des vaisseaux spatiaux qu'il imaginait. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter au niveau des sous-marins, tout ça, pareil, vous diriez des trucs rouillés, surtout. Moi, j'ai toujours imaginé ça méga rouillé. Parce que moi, en fait, ma source d'inspiration principale maintenant, en termes de vaisseaux, alors qu'à l'époque, je suis d'accord, je reconnais avec Pierre que c'était vraiment Star Wars l'influence principale. Aujourd'hui, ça serait plutôt Alien 1, avec des espèces de gros monstres en fait de métal... Qui sillonne l'espace à une vitesse assez réduite, des monstres métalliques. Et il y avait un manga ou je sais plus, c'était une BD que tu m'avais montré, Aurélien, qui Blame. Ouais, c'est peut-être Blame. Hein. Donc de. J'ai trouvé ça génial, ce truc. Voilà, ça c'est un Qu'est-ce manga. Qu'est-ce que c'est ça? Il faut savoir qu'Aurélien est notre spécialiste de bande dessinée ici. C'est un gros dévoreur de bande dessinée. Et de romans, mais moins ces derniers temps. Mais bref. Mais en tout cas, venant Blame, c'est donc de Tsumotsu Niei, je crois, si je me souviens bien. Et bon, c'est un manga on va dire underground, parce que en gros ça se passe sur une planète, sur la planète Terre. Ouais. Sauf que les machines ont dévoré complètement la planète et ont presque rejoint la Lune en fait. Ça c'est génial. Je trouve ça ce trip énorme. Et le truc c'est que ils ont construit finalement des cathédrales et des monuments qui s'élèvent jusqu'à la Lune. C'est-à-dire, vous vous rendez compte, c'est monstrueux. Voilà, c'est un peu pour ceux qui ont lu ça quand ils étaient au collège aussi, la citadelle du vertige. La citadelle du vertige. Ah oh, oui. Exactement. Et donc, non, il y a des architectures qui sont complètement absurdes dans Blame et puis qu'on pourrait retrouver dans ce sens dans certains des dômes dont on a parlé tout à l'heure, hein, que ce soit Sydney, Berlin, Paris. Ouais. Et donc, et que vous retrouverez aussi dans Sens Mort, évidemment. Multiplié par 10. on ira encore plus loin dans la suite de l'histoire. Et justement, à propos d'histoire, on va maintenant passer à la dernière, avant-dernière catégorie, les inspirations au niveau de l'histoire de Sens, de la fiction en elle-même de Sens. Est-ce que quelqu'un veut amorcer une idée d'inspiration? Senseiya. Non, sans déconner. Pourquoi pas, hein. Il y a un petit côté Senseiya quand même dans les. Non, je sais pas. Pourquoi pas pour nos chers auditeurs dans la gueule pendant des années ou quoi. Pourquoi pas pour nos chers auditeurs un seul mot pour commencer la rubrique. C'est-à-dire. Moi pour l'histoire, la mythologie. Mythologie quoi, vraiment. Alors et lorsque tu mythologie, parles. Mythologie, j'en rajoute un deuxième. Je triche déjà. Épique. Mythologie épique. Mais au niveau de parce que bon moi je pense forcément à Dune qui est quand même Dune de Frank Herbert quand même là pour moi la principale source d'inspiration de l'histoire avec ce personnage qui évolue jusqu'à devenir une divinité, ces personnages qui se posent énormément de questions en même temps l'aspect baroque de l'univers, les complots entre les différents nobles qui aboutissent à des guerres sur différentes planètes etc. Exact. Je pense aussi à des choses comme Final Fantasy VII que tu as cité tout à l'heure Aurélien, oui. qui inspire énormément l'histoire, notamment finalement au niveau des gros personnages tout le monde dit ouais ça ressemble à Saint Seiya, mais au niveau du charisme des personnages moi j'ai plutôt voulu me rapprocher d'un FF7 en termes de perso vraiment. On a un Miphos Kadria qui ressemble énormément à Ojo dans FF7. On a des personnages qui sont très inspirés du design, du card design de cette époque-là, avec les grands cheveux blancs, etc. Voilà, c'est quand même des sources d'inspiration. On a également des jeux vidéo comme Legacy of Kain, qui m'inspire énormément au niveau des. À quel niveau Legacy of Kain ? Eh bien, au niveau de l'Ombre Monde, ne serait-ce que ça. C'est-à-dire que dans Legacy of Kain, enfin dans Soul River, le deuxième opus. On a un personnage qui est capable de passer d'un monde à un autre, le monde des âmes et le monde des vivants. Ah, donc du on... coup, mon truc avec les couleurs très passées, etc., oui, et le truc qui brille, c'est, oui. ça fonctionne. Ça fonctionne très très bien, ouais, effectivement. On a, voilà, au niveau de l'histoire, également dans Legacy of Kain, on a l'histoire quand même de personnages qui luttent contre le destin, contre la destinée, contre la roue, contre une fausse divinité. Je ne dis que ça pour les gens qui n'auraient pas fait Legacy of Kain, et même les gens qui n'ont pas encore terminé de lire Sens. Mais en tout cas, on se retrouve avec des thématiques qui sont très très très proches de Legacy of Kain, de Final Fantasy VII et de Dune. On est à la croisée des chemins entre ces différentes sources d'inspiration. Et puis bien entendu, au niveau philosophique, l'inspiration de Wittgenstein, quoi. Évidemment. Et aussi au niveau de l'histoire, je voulais citer, tu as cité Dune, avec ouais. l'homme qui devient une divinité. Je pensais à ce très très très très bon film qui est Dark City. Dark City. Énorme, énormissime. Qui ne m'a pas inspiré puisque je ne l'ai découvert qu'après, c'est Erwan qui l'a dit. J'ai revu il y a peu de temps et ouais. vraiment il y a des choses, tu dis. Ouais. Ouais. Au niveau de la couleur du film, de l'ambiance, donc tu parlais aussi du charisme des ouais. personnages, mais l'ambiance. Donc ça, un peu Dark City, tu peux situer un peu pour nos auditeurs, parce que c'est quand même un film. Enfin, je sais pas s'il est très connu. Non, Dark City, il était sorti à peu près en même temps que Matrix. D'accord. Hein. Ah ouais Oui, et c'est pour ça qu'il était un peu passé en dessous de ce gros blockbuster. Ouais. Et du coup, non, Dark City, ça se passe. Comment dire, c'est l'histoire d'un gars qui ouais. se réveille dans une baignoire et puis qui lui arrive, qui se rend compte qu'il est devenu amnésique. Donc on part avec un personnage qui est complètement vierge, un peu comme les PJ dans ce sens, ouais. qui ne comprend rien à ce qui lui arrive. Et ouais. puis peu à peu il va découvrir qu'il a de nouveaux pouvoirs et qu'il n'est plus un homme normal. D'accord. Et qu'il vit sur une ville, enfin qu'il vit dans une ville qui est plutôt, qui est factice, plutôt en fait. Étrange et qui est factice, ouais. évidemment. Okay. Mais je vais laisser aux auditeurs le plaisir de découvrir ce très bon film. Bon, Ok, très bien. Et enfin, on va clore ce podcast avec les dernières sources d'influence, sauf si quelqu'un a quelque chose à rajouter en termes d'inspiration pour l'histoire. Benjamin, non. Ok. Donc, pour clore ce podcast, les inspirations en termes de jeux de rôle. Alors d'abord, là, j'ai envie de faire un petit tour de table. Déjà, qu'est-ce que vous aviez fait comme jeu de rôle avant de jouer à Sens, Pierre? Ah bah, moi, très peu de jeux de rôle, en fait. J'ai commencé, débuté par Sens, ouais, en tant que joueur. Ouais. Après, j'ai eu la chance de faire quelques jeux de rôle, mais pas entièrement. J'ai pas pu finir des chroniques. D'accord. Toulouse, Nobilis... Est-ce que parmi ces jeux, il y en a un qui t'a inspiré pour Sens Bah, ou non. Pour ce qui est de l'imagination, Nobilis. Nobilis. Parce qu'à chaque fois, il faut inventer de nouveaux mondes, ou même aussi pour son territoire, il faut toujours avoir des idées débordantes. L'aspect sandé aussi, peut-être. Oui, aussi. Mais à part ça, j'étais assez novice dans le JDR. D'accord, ok. Aurélien? Donc Cthulhu évidemment, Vampire. Pourquoi tu penses que Cthulhu a inspiré Sens? Non, enfin je parlais des jeux de rôle que j'ai fait. Ah oui, pardon, excuse-moi. Oui, c'est moi qui déconne. Grand moment. Warhammer qui m'a pas du tout inspiré par exemple, ouais, vis-à-vis de Sens. Enfin je vois aucun rapport. Aucun lien. Nobilis. Si, et Warhammer 40. Il y a peut-être un lien avec Warhammer 40 000 au niveau de la position de l'empereur sur son trône métallique. Oui, exact. Au niveau de Warhammer 40 000, mais qui n'existe pas en jeu de rôle. Si, bien sûr, il est sorti récemment. Ouais, Dark Heresy. Ça va être dur à jouer. Ouais. Et pas très intéressant. Ben, bref. Si ils ont réussi à renouveler le genre en fait, en faisant jouer une caste spéciale. D'accord. Donc tu joues des. Alors attends, c'est quoi déjà que tu joues? En gros, t'es dans une position de juge, quoi, sur certaines d'accord, situations. Donc ça d'accord peut être intéressant. Le problème, c'est qu'encore une fois, le système ne permet pas du tout de faire ce qu'on a envie de faire avec le jeu, sans juger. Et sinon, bah, Agone, évidemment, le côté baroque, le côté charismatique des personnages, il peut y avoir une petite inspiration. Influence, ouais, à ton avis. Sur Sens? Sur Sens. Et puis, vu que j'ai lu les Chroniques des Crépusculaires, ainsi que Abîme, et ainsi que d'autres romans de Mathieu Gaborit, ouais, il y a un petit côté épique que je peux retrouver dans Sens, parce que ça monte, et puis ça monte jusqu'à un moment où tu te dis, ah, il va pas aller aussi loin quand même. Et si, il va aussi loin. Puis, tu te dis, des fois, enfin, dans des parties de Sens où t'as des grosses montées, tu dis, waouh, ça va aller encore plus loin. Et oui, ça va encore plus loin. Et c'est pareil dans Agone, qui est un jeu très très bien, même si le système est un peu à revoir, selon moi. Benjamin, les jeux par lesquels t'as commencé, puis ensuite les sources d'inspiration que tu utilises pour Sens? Donc les jeux par lesquels j'ai commencé, il y a eu tout ce qu'on a fait, White Wolf, Vampire, après tout ce qui a été Keen. Je veux t'en entendre citer un qui était très bien. Ah, tu n'as pas fini. J'ai pas fini ma liste. On avait fait du merde, le truc des cowboys de Karim là. Ah, Deadland, ouais, qui était pas mal, ouais. On avait bien trippé là-dessus. Ouais. Je vais pas tout les faire. Après, ouais, celui qu'on n'a pas fini, ouais, c'était Scaflone. Exactement. Et là, c'est encore une fois un truc qu'on aurait pu citer aussi dans les influences de l'histoire. Exactement. Énorme influence d'Scaflone. Si tu veux en parler, Bobo, c'est toi le spécialiste d'Scaflone ici. Ouais, alors à l'époque, maintenant il y a des trous. Hein. Non, mais j'avais tenté de mettre l'univers d'Scaflone en JDR. Après, moi, je vois pas vraiment l'influence que t'avais eue d'Escaflowne dans Sens. La machine du destin, ne serait-ce que ça, quoi. Ouais. C'est-à-dire que l'idée, en fait, d'Héraclite, hein, qu'il vaut mieux pour les hommes que ce qu'ils désirent ne se réalise pas. Et dans Escaflowne, c'est vraiment le thème de la série. Et dans Sens, c'est exactement le même. C'est une thématique qu'on retrouve. Et puis, le personnage de Dunkirk. Qui pour moi est probablement un des personnages de fiction qui ressemble le plus à Miphos Kadria. C'est vraiment le personnage d'Homker qui défend quelque part les rêves des individus, même au prix de la folie, quoi. Ouais, ça c'est peut-être, comme je disais tout à l'heure, mon côté de pas aller chercher dans d'autres jeux ce que j'ai vu ou trouvé dans Sens, parce que en fait là-dessus je suis relativement bon public, je me pose, j'attends l'histoire et je cherche pas à transposer sur d'autres expériences de jeu ou quoi que ce soit. J'attends d'être servi, en gros. Et donc toi, en termes de jeux de rôle, il n'y a pas des jeux de rôle dont tu sens l'inspiration dans le Sens ou... Tu disais que c'était plutôt à moi de répondre à cette question en préparation de ce podcast, mais... Ouais. Enfin, je sais pas, mais je trouve que c'est intéressant aussi de vous interroger là-dessus, quoi. De savoir... Non mais je te dis, moi je là-dessus je me pose pas la question de d'aller chercher ailleurs. D'accord. Une dernière chose à citer, un autre jeu de rôle sans dé qui est tiré d'un roman lui aussi, c'est Ambre. Ambre, de Zelazny. Avec, on est un petit peu dans le sens aussi avec tous ces mondes qui. Cosmo et alors, ça, c'est dingue, c'est pareil, c'est un livre qu'on m'a conseillé de lire. C'est Richard, c'est Richard qui m'a conseillé de lire. Pour matérialiser et en vulgarisant Ambre, tu pars d'un centre où c'est l'Empire. Et le monde est cylindrique. Le cosmos, on va dire. Plutôt. Voilà. J'ai envie de dire le cosmos. Le cosmos. Le cosmos. C'est cylindrique. Donc, au milieu, le cosmos, c'est ce qui est réel. Et tout autour se déploient des mondes. Des ombres. Des ombres. Et jusqu'au cours du chaos, qui pourrait être symbolisé par le chaos aussi. Ah oui. Dont le nom est Logrus. Non. Mais justement, c'est derrière, en fait. C'est encore un truc de ouf, c'est que c'est un livre qu'on m'a demandé de lire après avoir lu Sens. C'est-à-dire que quelqu'un qui a lu Sens et qui m'a dit ouais. Moi, j'ai lu que les 5 premiers volumes parce que c'est deux. Tu vas triper. Ouais, oui, j'ai pas trippé en fait. Je me suis dit merde, putain, fais chier, c'est déjà présent dans. Mais bien sûr, de toute façon, il faut pas se leurrer, on fait jamais rien de totalement original. Favi ? Alors, moi, quand j'ai commencé Sens, j'avais pas fait énormément de JDR avant. J'avais plus fait des jeux de rôle qui te faisaient triper aussi, vu que c'était toi généralement mon maître de jeu. Ou... Donc il y avait eu du vampire et. Je suis désolée, je vais le redire une dernière fois, du Saint Seiya. Ah oui, mais non, et faut pas s'en cacher. Mais en fait, je vois grosses différences entre ta première version de Sens, où là je pense qu'il y avait aussi une inspiration au niveau du système quelque part pour vampire. Oui, clairement. Et au niveau du système surtout. Et quand t'as découvert un peu les jeux de rôle indépendants, beaucoup plus une inspiration au niveau de Nobilis. Mais c'est vrai que sur ta seconde version, moi ayant joué aussi du coup aussi à Nobilis, je vois vraiment beaucoup de choses en commun au niveau du sans règles et du on va laisser un petit peu pas l'imagination sans règles, faire tout ça. Enfin pas sans règles, sans des excuse-moi. C'est un, oh là là là. Langue qui fourche. Namaspamous. voilà. Mais oui, il y a une grosse inspiration au niveau de Nobilis, je pense beaucoup plus que Ambre ou autre chose. Et je pense aussi une inspiration, mais là c'est pas vraiment des jeux de rôle, c'est plus des théories de jeux de rôle. Le fait que t'aies compris que tu faisais ce que Christophe appelle du narrativisme à la vanille dans ta première version, et que du coup en fait autour de la table, comme on tripait beaucoup autour des histoires des personnages, qu'il fallait faire quelque chose là-dessus, puisque finalement l'histoire de ton jeu amenait ça, puisque tu voulais qu'on tripe le personnage. C'est-à-dire que nous, en tant que joueurs, on avait tendance à mettre l'histoire au premier plan. Faut bien préciser à nos auditeurs, parce que narrativiste à la vanille, ça veut pas dire grand-chose pour la plupart de nos auditeurs, je pense. Mais oui, c'est quand il y a un système de règles qui favorise plus le combat et sur lequel on va s'arranger pour pouvoir jouer finalement de l'histoire des personnages, histoires d'amour, mais qui finalement ne possède aucune carac sans ta Barbara, totalement. Et du coup, on avait aucune carac pour jouer ça sur notre fiche de personnage, donc du coup, on jouait tout à l'avenant. Ça donnait de très belles scènes de roleplay sans là pour le coup il y avait aucune règle là-dessus. Non. Et du coup maintenant si il y en a et c'est beaucoup mieux. Donc oui, effectivement, l'inspiration de Nobilis qui revient à peu près chez vous tous, qui est clairement l'inspiration principale de Sens. C'est ce qui m'a fait passer au 100D. Je me suis dit putain, ça marche, ça roule. Maintenant. Sans blague. C'est meilleur quoi. C'est vraiment meilleur. On a plus de temps pour jouer, moins de temps pour lancer les dés, plus